Les gardes venant alors avertir le jeune Hamlet que le fantôme de son père rôde sur les remparts du château, Hamlet leur promet de les rejoindre la nuit suivante. De leur côté, Laërte, son frère, et Polonius, son père, chambellan du roi, tentent de dissuader Ophélia d'accepter l'amour que lui témoigne le jeune Hamlet. La nuit venue, lorsqu'avec les gardes, Hamlet voit apparaître le spectre de son père, il interpelle. « Qui que tu sois, esprit salutaire ou lutin damné, que tu apportes avec toi les brises du ciel ou les rafales de l'enfer, que tes intentions soient perverses ou charitables, tu te présentes sous une forme si provocante que je veux te parler. Je t'invoque, Hamlet, sire, mon père, royal danois. Oh, réponds-moi. Ne me laisse pas déchirer par le doute. Mais dis-moi, pourquoi tes os sanctifiés, ensevelis dans la mort, ont déchiré leur suaire? Pourquoi le sépulcre, où nous t'avons vu inhumé en paix, a ouvert ses lourdes mâchoires de marbre pour te rejeter dans ce monde? Que signifie ceci? Pourquoi toi, corps mort, viens-tu, tout couvert d'acier, revoir ainsi l'éclair de lune et rendre effrayante la nuit? Et nous, bouffons de la nature, pourquoi ébranles-tu si horriblement notre imagination par des pensées inaccessibles à nos âmes? Dis, pourquoi cela? Dans quel but? Que veux-tu de nous? Le spectre lui fait signe de le suivre. Tandis qu'Hamlet et le spectre de son père sortent, l'un des gardes conclut. Il y a quelque chose de pourri dans l'empire du Danemark.